En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Hey, tu veux swinguer ? Me dit-il avec ses beaux yeux noirs. Il me rappelait un homme que j'avais connu dans le quartier de Southampton. Beau comme un dieu, mais menteur comme un diable. Il avait des qualités à en pleurer d'amour, et pourtant j'étais malheureuse. Il m'a surpris un jour en escaladant mon bâtiment pour arriver par surprise chez moi. C'était un voleur de temps et d'énergie. Il m'épuisait, mais je l'aimais. Je finis par le quitter et changer de ville. Et me voilà à Colfront Bridge, Dieu sait pourquoi, planté devant ce bonhomme ressemblant à Gary Cooper. Je lui pris sa main et il me fit valser sur ce parquet flottant. Tu sais que je t'avais repéré ? Le gars me fait du rentre-dedans, il ne sait pas qui je suis. J'ai étalé ma carcasse d'alcoolique dans toutes les bourgades d'ici à Clifton Restore. J'ai pillé, arnaqué, trompé et tué pour survivre. Et je ne suis pas prêt d'arrêter, car je suis bonne dans ce que je fais. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busque, laissait couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se dameraient pour moi. Jeudi 30 mars, le lendemain de la danse. Le capitaine James McCool est contacté pour un homicide près du quartier noir. Il s'y rend. Sur place, il trouve le sosie de Gary Cooper avec un couteau dans le crâne, la bourse vide, le regard perdu. Encore un meurtre. On lui signale un suspect aperçu à 3 blocs d'ici. Dans sa jumper cuirassée, McPool traverse la ville, beuglant aux citoyens hagards encore endormis de le laisser passer. La pluie avait 1000 ans sur cette ville en plomb. 1000 ans, c'est long, c'est lent. Il pleuvait tant et tant que sur les habitants pesait immensément un ciel bas de plafond. Alors comment, sous le plomb, sous la pluie, monter si follement, leur âme resplendit. Arrivé rue Drake Bow, il observe la jeune femme suspecte numéro 1, assise tranquillement dans le café du Père Victor, à siroter un mug de noir bien corsé. Cette nana est-elle capable de tuer ? À première vue, elle n'en a pas l'air. Elle respire le chic des beaux quartiers, la classe des grands honneurs, bref, bon chic, bon genre, rien à voir avec une meurtrière et une voleuse. McPool se décide et va la voir. Encore une fois, j'ai pas pu résister. Ce plouc de Cooper qui me joue la carte du sentimental, à se foutre de ma gueule en me prenant pour une poupée sans cervelle, je les crèverai tous ces emplumés qui se croit supérieur. Regarde-le, celui-là, avec son chapeau et son cuir à la Clint Eastwood. Où est-ce qu'il se croit ? Au Far West ? Il me regarderait encore un petit peu, que j'irai le voir pour le calmer. Mort d'amour ou mort de graisse, mort de gaz ou de parfum, salut à la bonne hôtesse qui donne gîte à chacun. Zoom. Tout s'enlisse pour la noce, mort de glace ou mort de feu, Bonjour à la dent molosse qui lisse l'os à chacun. Zoom. Bonsoir. Vous permettez que je m'asseye ? Je viens souvent ici, mais je ne rencontre jamais de si jolis vêtements dans ce trou paumé. Voyez-vous, je suis fasciné par les vêtements. Ça change une image en un rien de temps. Prenez-vous, par exemple, fringué comme vous êtes, on croirait une aristo de New York. Mais si je vous fous un caoué vert, une jupe rose en tweed et des bottinettes, vous ressemblerez davantage à une pecno, non ? C'est drôle. Qu'est-ce qu'il me raconte ce foutu connard à la tronche de James Stewart ? Tu veux changer ma garde-robe pour tes fantasmes de taré ? Attends un peu. Vous savez, les vêtements, ce ne sont que des détails. Vous, par exemple, comme ça, je dirais que vous êtes flic. Vous avez l'œil. Vous en avez rencontré beaucoup, peut-être. Oh, vous savez, je ne suis pas habitué aux ennuis. Qu'est-ce que vous faites ici, loin de votre confort ? Pourquoi vous ne me laissez pas boire mon café tranquille ? Elle n'est pas si douce qu'elle en a l'air. Un petit diable se cache derrière ses jolis bijoux. Il sait quelque chose. Il va falloir que je m'en débarrasse. Dehors, la pluie tombe, les lumières de la ville s'éteignent et le jour se lève. Elle sort du café, marche vers sa prochaine destination. MacPool s'engage dans une poursuite, marchant quelques mètres vers elle. La scène est cocasse. Une duchesse suivie d'un chien mal famé. Elle s'arrête. MacPool aussi. La pluie s'intensifie. La tension aussi. Elle se retourne lentement et d'un geste vif, sort de son sac à main une arme. MacPool avait compris et tire le premier. Sous la lumière bleutée de l'enseigne du lavomatique s'étend la jolie carcasse alcoolique d'Eta Spitz. Son manteau de fourrure trempé de sang, sourire au coin des lèvres. Encore un meurtre. MacPool fouille dans ses poches, dans son porte-monnaie. Il trouve une carte qui semble importante. Eta Spitz, membre fondatrice de Men's Down Association. Le policier se console en se disant qu'il a sauvé quelques cerveaux testostéronés d'un contact trop engageant avec un couteau. Assez. Aujourd'hui, c'est assez de ces viscères avec de l'esprit dessus, des drames, des amours et des colères, du sec, du fourbu, du fou, de l'austère, du sanguinolent, du mort, du perclus, arborescente fougère avec de l'esprit dessus. Oh, que la vie odorante et légère, une heure soit, une heure et rien de plus, mais surtout très loin de toutes ces glues. Douce, une heure seule et bien mensongère, sans aucun esprit dessus.